Katrina's fine. Kahus. Kahus. Zango le dozo. Je me suis fixé un cap. Arracher leur scalp. Sans tâcher mes sapes. Zango. Leur refaire le portrait. Sans filtre snap. Toi tu fais le gros te trait. Moi je fais des gros retraits. Salope, t'es clean poucave. Je ne pourrais pas garder ce secret. Non, ils ont pas vu venir le négro. J'ai ramené la trappe avec Zo. Je vais repartir avec leur peau. Je vais l'arracher avec mes crocs. J'ouvre toutes les portes et toutes les cuisses comme un dignitaire. Je suis dans la saleté d'après Greenpeace et l'institut de veille sanitaire. Rien que tu l'appelles, que tu la harcèles comme un huissier. Elle ne peut pas te répondre parce qu'elle est en train de me sucer. Je te fuck même si t'es prégnante. Je rentre ma puce, j'esquive les embûches. Je suis le grizzly dans The Revenant. T'es tout au plus un ours en peluche. J'aime trop mon hood. J'aime trop ma zup. Bélec fraté, des fois elles ont les couilles qui dépassent la jupe. À la cisaille, je te fais une castration juste pour voir. Je tiens le gouvernail, y'aura pas de passation de pouvoir. Des fois t'as le boule qui sent la bête creuse. Mets de la mayo, mais mets de la mayo. Sale bâtard, rien que tu coules avant de faire creuse. Mets un mayo, mais mets un mayo. Les bouteilles atterrissent sur nos bleutards. Sur nos bleutards. Reste calme ou elles atterrissent sur ton écran. Sur ton écran. T'as pas de meuf, t'as pas d'oseille, t'as la jura. T'as la jura. Une petite voix me parle comme un Vegeta. Niquer des mères. Niquer des mères. Niquer des mères. Niquer des mères. Niquer des, niquer des, niquer des mères. Une petite voix me parle comme un Vegeta. Tu criais sur tous les toits que nous verrions. Donc je t'attends qu'à lâcher sur mon perron. De la ligne Caligula comme Néron. On garde à vous au son du perron. Moi je veux juste tout faire sauter. Elle veut juste se faire sauter. J'suis dans la guillotine, ma sentence est médiévale. Les bouteilles atterrissent sur nos bleutards. Sur nos bleutards. Reste calme ou elles atterrissent sur ton écran. Sur ton écran. T'as pas de meuf, t'as pas d'oseille, t'as la jura. T'as la jura. Une petite voix me parle comme un Vegeta. Niquer des mères. Niquer des mères. Niquer des mères. Niquer des mères. Niquer des, niquer des, niquer des mères. Une petite voix me parle comme un Vegeta. Deux sept, deux sept. T'as deux sept. Sept. Zango le dozo. Zango le dozo. Zango le dozo. Dozo, dozo.